regarder la pyramide 6h du matin. On a commencé les côtes à partir du poteau central à 4 mètres. Il faut que je règle. 56 mètres, 63, 64 dB. Mètres, 62 dB. 64 mètres, 62 dB. 68 mètres, 61 dB. 72 mètres, 60, 61 dB. 76 mètres, 59 dB. 80 mètres, 58, 59 dB. 84 mètres, 58 dB. 88 mètres, 58 dB. 92 mètres, 57 dB.